et j'ai pas suivi le plan de route. Y'a du trafic, y'a du brouillard. Sous la pluie, je roule goutte que goutte. J'ai pas de boussole, une vraie toupie. Aucun sens de l'orientation. Et je vais encore risquer ma vie à la prochaine bifurcation. Je mets la radio, une chanson passe. C'est à peu près la même histoire. Un mec qui roule dans la nuit noire et le tempo des essuie-glaces. Qu'est-ce qu'il dit sur ma route? On my road. J'ai des doutes, Helmut. La nuit arrive, y'a moins de lumière, mais ça vient quand même un peu vite. Trop tard pour faire machine arrière ou réfléchir à ma conduite. Pas foutu de respecter les codes. Je flirte avec la ligne blanche. Je suis limite et oh my god, à chaque virage, je tangue, je penche. Trompette bouchée, voix de crooner. Le morceau est plutôt groovy. Du blues mélangé à la vie, avec des petits morceaux de bonheur. Ça raconte que la bagnole c'est une vieille caisse et que tous les voyants lumineux du tableau de bord sont out. Le mec a peur de se retrouver en rade, en panne, en chien, le cul sur le talus sans même savoir sous quel fuseau horaire il se trouve. À un moment, il fait rimer étoile avec gasoil. Il est un peu gonflé, il a peur de rien, le mec. Sans portable et sans GPS. Je suis bien conscient du danger, c'est excitant, je gère le stress, tout en restant pied au plancher. Sur ma route, je sais plus où j'ai mis l'adresse. On my road, et si c'est bien jour du rencard. Je suis à 100 bornes de Cadaquès. Mode.